On frappe fort pour la suite avec le groupe de hardcore Beatdown venu de l'est de la France, Upper Cult, qui nous sort son tout premier EP en autoprod, New Real Violence. Et pour le coup, c'est vraiment très très efficace et super cool à s'écouter, Upper Cult. On va donc s'écouter le titre de l'EP, NRV. Et dans la foulée, les vétérans du sud-est, Gorgon, le groupe de Medieval Epic Black, qui sort son nouvel effort studio Tradition Satanae, une sortie sur le très bon label français Osmose Productions. Sacrilegious Confession, c'est le titre de Gorgon qu'on va s'écouter tout de suite. C'est parti. We'll be right back. Hop, l'aspect française est aussi balèze que la semaine dernière pour ce soir. Doublette suivante et doublette de clôture de l'aspect française. Essoc Trilhomme, le one-man band ultra productif de la scène Black Death. 6 albums en 5 ans d'existence. Voilà, toujours une sortie sur le label High Void Anger Records. Toujours ultra quali, du Black Death, donc riche et bien perché. Dans la foulée de Essoc Trilhomme, formation de Black Net Death qui nous vient du milieu toulousain d'Evolution. Voilà, monté par un ex-guitariste de Anthropophago et ex-batteur de Sonodagre. Jusqu'il y a peu, c'était une formation studio uniquement et le line-up complet pour des prestations live a été annoncé cette semaine. Donc voilà, Evolution peut-être bientôt sur scène par chez nous. Essoc Trillium, le titre Zeig Daemon, extrait du nouvel effort studio Death Requiem of the Serpent Telepath, d'Evolution, aux portes du vide, extrait de leur premier effort studio consumé, en autoprod à venir le 2 juillet. Ah! Allez hop, le grand écart stylistique avec la doublette à venir. Tout d'abord, Blazon Wright, pareil, formation qu'on vous a présentée assez récemment. Blazon Wright, je ne sais plus d'ailleurs si c'est la première fois qu'on vous en diffuse ou pas. Je suis en train de me poser la question en même temps que je consulte mes petites notes. Blazon Wright, là c'est la deux ou troisième fois qu'on vous passe un extrait. Ce groupe ricain, on avait dit vous diffuser le premier EP sorti l'an passé. Enfin bref, Endless Hall of Golden Totems, c'est leur premier véritable album studio. Voilà, déjà dispo pour Blazon Wright. Et dans la foulée, on va s'écouter donc Portal, ce groupe de death suffocant, ultra chaotique. AVO, c'est le nom de leur nouvel effort studio, toujours une sortie profonde de leur record. Alchemist Brute, signé Blazon Wright, et Hey, le titre signé Portal, c'est parti. We'll be right back. On approche tranquillement de la fin de cette émission. Pour rappel, si vous n'avez pas l'occasion de la suivre en pseudo-direct, vous pourrez la retrouver à partir de demain soir sur notre petit blog, Hellbanger Radio Show Blogspot. L'ensemble de l'émission sera disponible en réécoute et en téléchargement. Doublette suivante, donc doublette tout d'abord Narbelette, pour une doublette sud-américaine, pardon, Narbelette One Ben Ben, originaire de Cuba. Le gars tout seul s'est installé en Espagne où il forme maintenant un duo avec un véritable batteur. On est sur ce qu'il y a de plus true en termes de black metal ultra classique, voilà, très inspiré de la scène scandinave, particulièrement les scènes norvégiennes et finlandaises de la deuxième vague. Voilà pour Narbelette, c'est quasi rao et ça s'écoute bien. Et dans la foulée, Lucifer's Hammer, formation pour sa part, qui nous vient du Chili. On est sur du Revival Heavy, le groupe a vu le jour en 2012. Troisième effort studio, ça pue, ça dégouline les années 80, pour notre plus grand plaisir une fois de plus. Narbeless, Soma Com Nox Arcana, le titre de ce nouvel effort studio. Cold Whisper Carried by the Wind. Lucifer's Hammer, le titre de l'album tout sobre, The Trip. Et on s'écoutera le morceau The Operation, pour rappel, c'est déjà dispo chez High Roller Records. avant-dernière doublette pour l'émission, enfin dernière doublette pour l'émission d'aujourd'hui, pardon, et on est sur les tout derniers titres. Après une doublette sud-américaine, on va s'envoyer une doublette africaine. Crescent, tout d'abord, qu'on vous a présenté la semaine dernière, groupe de Black Net Death qui nous vient d'Égypte. Forcément, niveau influence et inspiration, on n'est pas sans penser à Scarab ou voire même Nile. Troisième effort studio qui sort sur le label français Listenable Records. Son nouvel effort studio s'intitule Craving the Fire of Hecate. Et dans la foulée, Nishayar, là on est sur quelque chose d'un peu moins classique, un peu plus élaboré. Très productrice, formation éthiopienne, productive, pardon, formation éthiopienne. Groupe s'est formé en 2016 et c'est déjà leur cinquième album studio. On est sur du post-metal, cosmic black, atmosphérique, pour vous peindre un petit peu la musique de Nishayar, mais ça s'écoute plus que ça ne se discute en termes de présentation. Voilà, donc doublette africaine, c'est vraiment pas souvent qu'on a l'occasion de proposer des doublettes de ce style-là, donc on en profite dès que ça se présente. Crescent, le titre Drawn in Theban Blood, Nishayar, on va s'écouter le titre de l'album intitulé Nahaxar, et c'est parti. Buried off her Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui. Pour rappel, on espère vraiment très très fort pouvoir être présent en direct pour la dernière émission de la saison 2020-21 dimanche prochain. On vous tiendra au courant bien sûr sur les réseaux. On se quitte avec une doublette dans la doublette Eastwood. C'est une nouveauté, on ouvre par une nouveauté, on clôture par une nouveauté. Eastwood, c'est du grind avec un petit peu de death dedans, ça nous vient d'Allemagne. Dans ses rangs, on retrouve Mac, batteur de Warfuck, formation de grindcore française qui nous vient environ de Lyon, si je ne m'abuse. Eastwood existe depuis une petite dizaine d'années, jusqu'à maintenant aucun album longue durée, entre guillemets, uniquement des splits et des démos. Je précise bien longue durée entre très gros guillemets, puisque l'album Premier Effort Studio, là, il fait 19 minutes avec 17 titres. Forcément, on s'envoie de la doublette, c'est expéditif et absolument parfait dans le style. Eastwood, Antibiose, le nom de leur tout premier album studio. On s'écoute la doublette 90 Minutes 8 et Shaol El Rauch. Excellente semaine à toutes et à toutes, bonne fin de soirée et à dimanche prochain, on l'espère, en direct. Ciao, ciao.